5A. Et toi, t'as des frères et sœurs ? Ah oui, chez moi, on est 3. Alors, j'ai un frère et une sœur. Mon frère, Paul, il a 26 ans. Ensuite, c'est moi et après, il y a Marion. Ah, Marion, tiens. Marion, comme ma sœur. Ma sœur aussi s'appelle Marion. Ah, c'est marrant, tiens. Ma sœur Marion, elle a 22 ans. C'est la petite de la famille. Et tes parents, comment ils s'appellent ? Alors, mon père, il s'appelle Pierre. Et après, il y a ma mère, qui s'appelle Denise. Et tes grands-parents ? Alors, du côté de ma mère, mon grand-père s'appelle Georges et ma grand-mère, Yvonne. Alors, ils ont de la chance parce qu'ils habitent à La Réunion. Du côté de mon grand-père s'appelle Bertrand et ma grand-mère s'appelait Jeanne. Elle est décédée, malheureusement. Ah, et tes parents, ils ont des frères et des sœurs ? Maman a un frère qui s'appelle Marcel. Sa femme, ma tante, s'appelle Jacqueline. Waouh, dis donc, t'as une grande famille. T'as des cousins ? Ouais, j'ai une cousine, Kiki. Enfin, Christine. Mais dans la famille, tout le monde l'appelle Kiki. Kiki, tiens, c'est pas mal. Et ton père, il a des frères et des sœurs ? Non, mon père, il est fils unique.